Before we move on to the next set of words and phrases... Avoir. To have. J'ai. I have. Je n'ai pas. I don't have. Vous avez. You have. Vous n'avez pas. You don't have. Il a. He has. Il n'a pas. He doesn't have. Nous avons. We have. Nous n'avons pas. We don't have.